Bienvenue à WebMusic, vous êtes avec Simon Roy pour la prochaine heure. Comme à l'habitude, j'ai parcouru les internets pour vous, je vous ai trouvé plein de bonnes musiques en téléchargement gratuit. Donc, vous vous rendez sur le site de l'émission qui est au www.webmusic.ca. Vous allez pouvoir donc télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Je vais débuter par un groupe qui vient de Montréal, je crois. Il s'agit de Kawaii. Il va être en spectacle à la Tour Prisme à Montréal le 4 juin avec Klondike, Singa et Arthur Krakow. Donc, si vous pouvez aller faire un tour à la Tour Prisme, ça risque d'être assez intéressant. Donc, je vous fais entendre leur pièce « An Alcohol and I ». Ensuite de ça, sur l'étiquette Dusted Wax Kingdom, je vous fais entendre une pièce par Genova 7 et Mr. Moods. Mr. Moods qui vient de la ville de Laval. Je vous fais entendre la pièce de Vanishing. Vous allez voir, vraiment excellent. Donc, c'est ça. On débute Web Music avec Kawaii. On écoute ça tout de suite. J'arrive à m'arrêter tout seul, mais une fois que j'ai repris le premier verre, on plonge, mais à fond. Excellente pièce intitulée The Vanishing par le duo Genova 7 and Mr. Moods. Genova 7 qui vient de Los Angeles aux États-Unis et Mr. Moods de la ville de Laval ici au Québec. Fort à parier qu'ils se sont jamais vus, donc qui ont sûrement pu collaborer via les internets. Donc vraiment un album excellent, je vous invite à le télécharger. C'est publié sur Dusted Wax Kingdom. Avant ça, de Montréal, Kawaii, un groupe qui joue avec des jouets, des instruments à jouets, donc ça donne un résultat assez intéressant. C'était leur pièce An Alcohol and I. C'était publié ça sur Monster Cassette. Donc je vous rappelle qu'il est Ils vont être en concert le 4 juin à la Tour Prisme. Allez-y, ça vaut la peine. On va poursuivre Web Music avec un artiste des États-Unis, donc qui vient également de Miami et de Pittsburgh. Il s'agit de Rookie de Cook. Je vous fais passer la pièce Azure. C'est publié sur Breakbeat Music. Ensuite de ça, sur Audio Exit Records, je vous fais entendre Hoplon. J'ai pas plus d'informations que ça à propos de l'artiste. Pas de grosse présence sur Internet, donc je vais faire plus de recherches pour vous. Je vous fais entendre la pièce Mystery. C'est un remix de Balatro. Vous allez voir. Excellent. Donc on écoute tout de suite Rookie de Cook. Thank you. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique. Si vous êtes à Limoilou, ben, il y a un gros rassemblement de casseroles au coin de la 3e avenue et de la 6e rue. Donc, la rue est complètement bloquée, plein de petites familles qui jouent de la casserole. Donc, si vous êtes un automobiliste, ben, il faudrait peut-être faire le tour. Si vous avez une casserole, ben, ce serait peut-être le temps de rejoindre la grosse gang. Donc, ben, c'est ça, on entendait une pièce de Upland. C'était la pièce Mystery, un remix de Balatro. C'était publié sur Audio Exit Records. Avant ça, des États-Unis, c'était Rookie de Cook avec la pièce Azure, publiée sur Breakbeat Music. On poursuit avec un artiste allemand du nom de Kodiak. Je vous fais entendre sa pièce Paul Beats. C'est publié sur Gargan Records. Tout juste d'entendre une pièce de Kodiak, c'était sa pièce Paul Bids, c'était sur l'étiquette Gargan Records, donc ben c'est ça. Web Music fait une courte pause, puis on revient tout de suite après pour la suite. Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Les productions Explosive Groove et Antenna vous invitent au spectacle de Bad Bad Not Good. Influencé par le post-bop et le hip-hop, le trio torontois œuvre dans la sphère du jazz contemporain. Encensé par la critique, il débarque à Québec le jeudi 31 mai 20h au bar Coop La JT, 251 rue Dorchester. 10$ en pré-vente, 12$ à la porte. Ancré dans la vie du Faubourg Saint-Jean-Baptiste depuis 1939, la tabagie Saint-Jean fait aujourd'hui figure d'institution. Maintenant disponibles, les HD Smoke en version usage unique à saveur de tabac, menthol ou vanille, sans oublier la version rechargeable aux saveurs variées et les cigares électroniques. La tabagie Saint-Jean connaît le tabac. Revues, magazines, commodités en tout genre, incluant bière, vin, café et choix de viennoiserie, c'est ça la tabagie Saint-Jean. 620 rue Saint-Jean, 418-522-5923 pour les livraisons sur semaine et toujours disponibles sur Facebook. Vous avez l'oreille curieuse? Vous recherchez des sons différents? Vous avez le goût de musique déroutante, inhabituelle, déstabilisante, mais pleine de sens. Écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL, une émission en art audio et électronique animée par Myriam Lambert et Jean-Pierre Gay, présentée par le Centre d'artistes Avatar de Méduse. Tous les dimanches à 23h, La Croche-Oreille, ce sont les sonorités du futur par des gens d'ici, aujourd'hui. La balade des gens heureux. Écoutez ou réécoutez vos émissions favorites quand bon vous semble. CKRL est maintenant en balado-diffusion. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur la section Programmation. La balado-diffusion vous permet d'écouter directement sur notre site Internet ou de télécharger les contenus désirés. En auto, à pied, en vélo ou en canot, CKRL est dorénavant plus près de vous. La balade des gens heureux. The universe. Lightness. CKRL. KRL. Image of Mystery. Québec. De retour à Web Musique, vous êtes toujours avec Simon Roy pour la prochaine demi-heure. Donc, on va poursuivre avec un artiste du Chili du nom de Auraki, donc qui est publié sur Epa Sonidos. C'est sur une compilation qu'ils ont faite du nom de Fluorescence. C'est leur 80e album que Epa Sonidos a publié, une étiquette du Chili. Beaucoup d'albums vraiment intéressants. Donc, allez voir Epa Sonidos, plein d'albums vraiment passionnants à télécharger et télécharger de façon gratuite. Donc, je vais vous faire entendre la pièce Aikido de Auraki. Ensuite de ça, sur Higher Living Records, c'est un duo de la ville de Bruxelles en Belgique. Le duo s'appelle McCandless. C'est composé par Mike Hemsley et Max Fotheringham. Donc, c'est peut-être la pièce qui fit le moins avec le reste des pièces que vous avez entendues ce soir. La pièce s'intitule Hélène. Donc, on écoute ça tout de suite après Auraki. I'm gonna go. I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. A smile, a glint in her eye, a little look, and she's gone. She didn't care as they watched on by. We were soaked to the bone. To come back again. So we ran under the pouring rain. Turned the corner just to come back again. C'était le duo Mechanless, donc un duo qui vient de la ville de Bruxelles en Belgique. C'était la pièce Eileen, publiée sur Higher Living Records. Avant ça, du Chili, c'était Aoraki avec la pièce Aikido publiée sur Epa Sonidos. On va poursuivre avec un artiste de la ville de Barcelone du nom de Philastine. La pièce s'intitule Judas Goat. Donc c'est publié sur une compilation sur l'excellent netlabel qui font des compilations, donc Block Sonic. C'est la pièce Sojourn in c'est l'album compilation Sojourn in a Sonic Odyssey. C'est d'aller télécharger la compilation, beaucoup de bons artistes. Ensuite de ça, sur Ephedrina, je vous fais entendre un artiste de l'Italie, c'est Recycled Sound avec la pièce Electronic Nightmares. On écoute tout de suite Philastine à Web Music. We'll be right back. de l'Italie, c'était Recycled Sound avec la pièce électronique Nightmares. C'était publié sur Ephedrina. Avant ça, de Barcelone, c'était Philastine avec la pièce Judas Goat, donc publiée sur une compilation de Block Sonic. La compilation s'intitule Sojourn in a Sodic Odyssey. Donc, ben, Guy Tremblay vient juste de rentrer dans la station pour faire son émission Beau temps, mauvais temps. Donc, je vais lui céder l'antenne. Nous, on va se quitter sur une dernière pièce. Avant, je vais vous rappeler de vous rendre au www.webmusique.ca pour télécharger toutes les pièces entendues à l'émission. Donc, on se quitte sur une pièce du Colombien Roder. C'est la pièce Kepel, publiée sur Monophonicos, une étiquette qui nous vient de la Colombie. Donc, ben, c'est ça. Puis, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de la saison, à compter de 20h pour notre émission de Web Musique. Du 14 au 17 juin, Desjardins présente en collaboration avec Hydro-Québec la 29e édition du Festival de la chanson de Tadoussac. Avec Vincent Vallière, Catherine Major, Zachary Richard, Ariane Moffat, Henri Charbonnier de Nombre. Il faut que tu rides sur ton cheval, galon. That's right, it's come the bell of the ball. Le Festival de la chanson de Tadoussac, le plus grand des petits festivals. En attendant vendredi soir, pour pas que j'ai pis à les boire. Informations et réservations, 1-866-861-4108, billets en ligne sur chansontadoussac.com. Je vieillirai. Une invitation de la bière Belle Gueule. J'insisterai pas pour vous dire que la bière, la CKRL, c'est la meilleure au monde. Ça pourrait inciter à la consommation. J'utiliserai pas non plus une voix langoureuse pour vous convaincre que la bière, la CKRL, coule bien en bouche. Parce que vous allez croire que je fais des allusions au sexe. Je vous dirai pas non plus sur un ton intime des explosions de saveurs d'agrumes qui vous donnent des frissons. Ça pourrait porter à confusion. Par contre, je peux vous dire que la bière La CKRL, qui est quand même la meilleure bière brassée par la Barberie, est disponible chez l'accommodation GD, 500 3e avenue à Limoilou, et au dépanneur La Duchesse d'Aiguillon, 601 rue d'Aiguillon dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Ou bien vous pouvez aussi la savourer au Bal du Lézard ou au bar Le Sacrilège. De toute façon, la CKRL, c'est la meilleure bière au monde, selon moi. C'est la balade. CKRL est maintenant en balado-diffusion. Écoutez ou réécoutez vos émissions favorites quand bon vous semble. Rendez-vous sur ckrl.qc.ca et cliquez sur la section Programmation. La balado-diffusion vous permet d'écouter directement sur notre site Internet ou de télécharger les contenus désirés. En auto, à pied, en vélo ou en canot, CKRL est dorénavant plus près de vous. Les bonnes gens regardent et les écoutent. Les vendredis soirs, 20h, le blues n'a plus de secret. Avec Michel Dubois. Nouveautés, tournées, festivals, le blues et ses influences à l'émission Rue d'Auteuil. CKRL. 89. Est-ce qu'on peut faire vivre 7 milliards ou 9 milliards de personnes à une vie convenable sans détériorer irrémédiablement la planète? CKRL. 89. Pour nous, la date est périmée.